11. L'épreuve posthume. Monsieur Dubourg, un des plus riches négociants de Paris, avait deux filles également aimables et jolies, quoique d'une humeur et d'une beauté différentes. L'aînée, âgée de 20 ans, s'appelait Hélène. Sa chevelure était blonde. De longs cils couvraient à demi ses grands yeux bleus. Elle avait le regard, la parole, le geste empreint d'une langueur qui n'était pas sans charme. Vive, au contraire, était la cadette, petite brune piquante, ayant nom Zoé, comptant à peine 16 ans, chez qui l'enjouement et la gaieté n'excluaient point les douces qualités du cœur. Veuf depuis plusieurs années, M. Dubourg avait reporté sur ses filles, qui le lui rendaient avec usure, tout l'amour qu'il avait eu pour la mère. C'était un heureux père entre deux enfants gâtés. Un quatrième personnage complétait la famille. Celui-ci était un grand garçon de 23 ans. Une figure agréable, d'un caractère élevé, généreux. Il se nommait Anatole Barthez. Il était à la fois neveu et principal commis de M. Dubourg. Ce n'était pas sans avoir passé par de nombreuses vicissitudes que M. Dubourg avait atteint ce degré de prospérité qui mettait sa maison au rang des premières et des plus solides de la capitale. Les événements politiques avaient plus d'une fois, en ébranlant le crédit public, porté au sien de graves atteintes. En 1848, il avait été bien près de succomber. Ce fut un ami d'enfance qui le sauva, un camarade de collège, presque oublié. Cet ami, nommé Maubray, après avoir terminé ses études, avait été se faire planteur à Cayenne. Rappelé à Paris par la mort d'un parent dont il avait à recueillir la succession, il venait d'y renouer connaissance avec Dubourg, lorsque celui-ci se trouva sous le coup du désarroi commercial qui menaçait d'engloutir sa fortune, son crédit et son honneur. Maubray avait réalisé des capitaux considérables. Il n'hésita pas à les consacrer au rétablissement des affaires de son ancien camarade. On comprend qu'un pareil procédé eût resserré étroitement la liaison des deux amis. Lorsque Maubray repartit pour Cayenne, Dubourg lui dit « Je suis ton obligé, et quoi que je puisse faire pour m'acquitter envers toi, jamais je ne cesserai de l'être. « Si tu veux me donner une preuve de ton amitié, répondit Maubray, qu'il ne soit jamais question entre nous de service rendu, ni de reconnaissance. Nous sommes deux amis, deux frères entre qui tout doit être commun. Cette amitié, cette fraternité, si tu le veux, Dubourg, si ton cœur répond au mien, nous la ferons survivre à nous-mêmes par l'union de nos deux familles. J'ai laissé à Cayenne un fils qui aura bientôt 18 ans. Ta fille Hélène en a 14. Je te comprends, Maubray. Et pour que tu ne puisses plus douter de l'accord qui règne entre mon cœur et le tien, je te jure dès aujourd'hui que ma fille Hélène n'aura jamais d'autre époux que ton fils Edmond. » Ainsi fut arrêté par une mutuelle et solennelle promesse le mariage d'Edmond Maubray et d'Hélène Dubourg. 5 années se sont écoulées depuis le départ de Maubray. Nous retrouvons un matin, autour d'une petite table, et occupé à prendre le thé, M. Dubourg entre ses deux filles, ayant vis-à-vis de lui son neveu Anatole. M. Dubourg achevait, au milieu d'un profond silence, la lecture d'une lettre, dont le contenu ne paraissait pas avoir porté la joie dans l'âme de ses 3 auditeurs. Hélène avait le regard baissé sur son assiette. Zoé agitait ses doigts sur la table, avec une sorte d'impatience. Anatole mordait de temps à autre la moustache noire qui ombrageait sa lèvre supérieure. « Quel heureux jour pour moi !» s'écria Dubourg. « Je vais enfin acquitter la dette de l'amitié, car c'est un triple trésor, mon Hélène, que le fils de Maubray va trouver en toi. » Je te donne à ton fiancé, riche en beauté, riche en vertu, riche en fortune. Mais qu'as-tu donc? Je ne remarque point sur tes traits cette joie que j'y voudrais voir briller. Il ne faut pas que cela t'étonne, père, dit Zoé, qui s'empressa de répondre pour Hélène. Cette lettre nous annonce la prochaine arrivée d'un fiancé que nous n'avons jamais vu, dont nous ne connaissons ni la figure ni le cœur. Mais qui est le fils de l'homme à qui vous devez votre brillante position, à qui votre père doit la conservation de son honneur? Tu as raison, mon bon père, dit Hélène. Je devrais me montrer heureuse et fière d'acquitter la dette de ta reconnaissance. Pardonne-moi, je te ferai en sorte que tu n'aies plus de reproches à m'adresser. » Anatole eut un tressaillement à ces paroles de sa cousine, mais Hélène le regarda d'un air si suppliant qu'il se contint et garda le silence. « Ainsi te voilà prévenu, mon enfant, reprit Dubourg. Edmond va se présenter ici d'un moment à l'autre, puisque le navire qui l'amène a dû suivre de 24 heures celui qui nous a apporté la lettre de son père. » De quelle manière s'y présentera-t-il? Voilà le point sur lequel mon vieil ami tient mon esprit dans une étrange perplexité. Mon fils, écrit-il, a des idées quelque peu originales, et si je donne à certaines paroles qui lui sont échappées une juste interprétation, je ne serai point du tout surpris qu'il vous préparât pour son arrivée quelques scènes renouvelées de gens de Paris, ou de l'habitant de la Guadeloupe. Ma foi, mes bons amis, habitants de la Guadeloupe ou gens de Paris, qu'il se présente comme il voudra, il n'en sera pas moins toujours le bienvenu. Monsieur Dubourg allait se lever de table, lorsqu'un domestique annonça Monsieur Duplan. Je ne connais personne de ce nom, c'est égal, faites entrer. Le domestique introduisit un jeune homme d'environ 25 ans, dont la contenance lugubre et passablement embarrassée laissait entrevoir cependant de beaux traits et des manières distinguées. Après les premières politesses, l'étranger se mit en devoir d'expliquer le motif de sa visite. Ce ne fut pas sans avoir employé d'abord toutes les circonlocutions qui d'ordinaire précèdent un triste récit. « Je suis, dit-il, un ami de la famille Beaumray. » Monsieur Dubourg fit un mouvement et adressa à ses filles un regard qui semblait dire « Nous y voilà !» Appelé à Paris par mes affaires, poursuivit l'étranger, je m'embarquais sur le même navire qu'Edmond. Je dois vous dire que depuis longtemps déjà, ce malheureux ami semblait avoir pris le monde en dégoût et en haine. Il s'était persuadé que le cœur de l'homme, toujours ouvert aux mauvaises passions, n'avait plus de place pour les sentiments nobles et généreux. Toute affection lui paraissait menteuse. Toute belle action n'était pour lui que le résultat d'un calcul. Cette humeur mélancolique, dégénérée en maladie, avait fini par l'isoler de tous ceux qui l'aimaient. J'étais le seul peut-être dont il consentit à supporter la société. Encore devais-je bannir avec soin de nos entretiens ces expressions affectueuses qui viennent se placer si naturellement sur les lèvres d'un ami. Je ne sais quelle fut sur son esprit l'influence du voyage, mais dès les premiers jours de la traversée, il devint sombre, taciturne. Il évitait l'approche et jusqu'au regard des autres passagers. Je l'ai vu même rester des journées entières sans m'adresser une parole. Un soir pourtant, il se montra plus communicatif. Il me parla longuement du projet arrêté entre son père et vous, monsieur. Il me témoigna les craintes les plus vives de ne pouvoir faire le bonheur de mademoiselle votre fille. Enfin, il me serra la main comme il ne l'avait point fait depuis des années, et il alla se renfermer dans sa chambre. Le lendemain, on le trouva sans mouvement sur son lit. Le pauvre Edmond avait mis fin, par le poison, à une existence qui ne lui était plus possible de supporter. L'étranger cessa de parler, mais ses regards surpris cherchèrent en vain quelques signes d'une vive émotion sur le visage des personnes, auxquelles venait de s'adresser son récit. Pas mal imaginé, pensa M. Dubourg. Vous jouez parfaitement la comédie, monsieur mon gendre. Peut-être Hélène et Anatole regrettaient-ils intérieurement que le récit de l'étranger ne fût qu'une fiction. Il faut convenir toutefois que le caractère dont on leur avait fait l'esquisse eût été, pour un pareil sentiment, une circonstance très atténuante. Quant à Zoé, son regard allait de son cousin à l'étranger, et l'expression de sa physionomie pouvait se traduire ainsi. Vraiment, sans l'amour d'Hélène et d'Anatole, je ne trouverais pas que ma sœur fût bien à plaindre. L'étranger se disait à lui-même, « Voilà une douleur qui ne creusera point sur ces fronts-là des sillons trop profonds. » Cette scène muette commençait à devenir pour tous passablement embarrassante. L'étranger se leva. « Que faites-vous ? » s'écria M. Dubourg. « Vous n'allez point nous quitter, je suppose. » En qualité d'ami de celui qui devait être mon gendre, car vous m'avez dit que vous étiez son ami, le seul qu'il ait voulu conserver. Vous ne pouvez refuser l'hospitalité que je vous offre. Point d'objection, monsieur. Votre nom est déjà sorti de ma mémoire. Monsieur Duplan. Duplan, oui, c'est en effet le nom que vous m'avez dit. Eh bien, c'est convenu. Vous êtes notre hôte, monsieur Duplan. L'étranger ne put s'empêcher de remarquer l'affection singulière que mettait monsieur Dubourg à prononcer ce nom, et le sourire un peu railleur dont il l'accompagnait. « Votre proposition, monsieur, me pénètre de reconnaissance, mais je n'aurai point la discrétion de l'accepter. » Monsieur Dubourg sonna, un domestique parut. « Allez sur le champ chercher le bagage de monsieur à l'hôtel qu'il va vous indiquer. »« Mais je vous proteste, et moi je vous déclare que je ne vous laisserai point sortir. Il ferait beau voir que monsieur Duplan eût un autre domicile que ma maison. J'entends que vous demeuriez chez moi et que vous y soyez traité comme si vous étiez Edmond lui-même. » Toutes les résistances de l'étranger furent inutiles. Monsieur Dubourg, toujours si rouillant et intercalant dans chaque phrase à Monsieur Duplan des mieux accentués, l'installa dans l'appartement destiné au fils de son ami Maubray. Quelques jours se passèrent, pendant lesquels Duplan, conservant lui ce nom, se vit entouré des soins les plus affectueux, des prévenances les plus délicates. Cependant, au milieu de cet empressement général à lui être agréable, il ne se sentait pas à l'aise. Le sourire de Monsieur Dubourg et sa manière de dire « Monsieur Duplan » commençaient à lui agacer les nerfs. Il ne comprenait rien au chuchotement d'Hélène et de Zoé. Il supportait impatiemment le regard acharné d'Anatole, qui semblait se livrer à une étude approfondie de ses traits, de ses manières et de son costume. Mais ce qui lui paraissait choquant par-dessus tout, c'était de l'entendre sortir de la bouche de personne au sujet d'Edmond. Ni un regret, ni même une de ces phrases banales que commande en pareil cas la plus stricte bienséance. Enfin, un soir, qu'il se trouvait seul avec M. Dubourg, celui-ci, prenant un air moitié riant, moitié pincé, lui dit « Eh bien, mon cher Monsieur Duplan, êtes-vous satisfait du résultat de vos observations ?»« De quelles observations voulez-vous parler, Monsieur Dubourg ?»« Ma foi, vous devez, vous qui les faites, le savoir beaucoup mieux que moi, qui ne fait que les supposer. Je vous jure que vos paroles sont pour moi autant d'énigmes. »« Bon, bon, il n'est pire sourd que celui qui ne veut pas entendre. Vous jugez sans doute que l'épreuve est insuffisante. Si j'étais susceptible, je pourrais trouver, moi, qu'elle est un peu prolongée. » « Allons, monsieur Duplan, mettons fin à une comédie, que vous reconnaîtriez d'ailleurs parfaitement inutile si vous aviez du monde une plus longue expérience. Il suffit d'un instant pour s'apercevoir qu'une femme est jolie. S'il fallait étudier son cœur, toute la vie n'y suffirait point. Mais je vous proteste, monsieur, que j'ignore absolument de quelle épreuve, de quelle comédie vous entendez parler. Oh, par exemple, ceci est trop fort. Je ne veux certes point me fâcher. L'amitié, la reconnaissance m'imposeraient d'ailleurs l'obligation de me modérer. » À votre aise donc, monsieur Duplan. Tenez-vous tant qu'il vous plaira dans un rôle que vous jouez du reste très habilement. Je le reconnais. Je me bornerai à la satisfaction de vous dire que toutes vos feintes sont superflues, que j'ai été prévenu, que je sais tout. » Et s'apercevant que l'aigreur de ses paroles ne tarderait point à accuser plus d'impatience et de dépit qu'il n'en voulait laisser paraître, monsieur Dubourg se hâta de s'éloigner. Duplan resta interdit, et se grattant le front comme quelqu'un qui cherche la solution d'un problème. « Il a été prévenu, il sait tout. Que sait-il? De quoi a-t-il été prévenu ?» Tel fut, pendant une partie de la nuit, le thème sur lequel s'exercèrent ses réflexions. Le lendemain, comme il était descendu de bonne heure dans le jardin, le neveu de M. Dubourg l'aperçut et s'empressa d'aller à lui. « Monsieur, je ne suis pas partisan ni de l'ambiguïté ni de la diplomatie. En toute chose, j'aime la ligne droite. Monsieur, je déclare avec plaisir que, sous ce rapport, mes idées sont en parfaite harmonie avec les vôtres. Je saisis donc cette occasion de vous donner une explication franche de ma conduite. Je ne vois pas que votre conduite, en ce qui me concerne, ait le moins du monde besoin d'être expliquée. Pardon, vous n'êtes pas sans avoir remarqué, de mon côté, une certaine réserve, que semblerait devoir exclure notre âge et notre position respective dans cette maison. Je reconnais que depuis mon arrivée, vous avez été avec moi très sobre de parole. Cependant, je ne suis pas, je ne peux pas être votre ennemi. Monsieur, ma parenté avec M. Dubourg me le défend, mais je suis encore moins votre ami. Vous êtes tout à fait libre d'avoir à mon égard les sentiments qu'il vous plaira. Et non, cela n'est point, car je serais heureux de pouvoir dire que je vous déteste, et la reconnaissance est là qui m'arrête, et s'il m'arrive de penser que l'amitié d'un homme tel que vous serait chose désirable, un autre sentiment s'élève aussitôt en moi, qui retient ma main prête à serrer la vôtre. Duplan commençait à mettre en doute l'intégrité des facultés mentales d'Anatole. Celui-ci reprit. « Vous me regardez avec étonnement. Vous paraissez ne pas comprendre. J'avoue que mon intelligence est en défaut. Eh bien, d'un mot, je vous expliquerai tout. Je l'aime. Vous l'aimez. Qui donc ? Oh, monsieur, une pareille question. Quand mieux que personne. Oui, je l'aime, et c'est un amour qui date de l'enfance. Cet amour, son père l'ignore. Je connaissais ses obligations. J'ai dû me taire, je me suis tu. Cet amour sera donc sacrifié. Et pour qu'il ne vous porte point ombrage, je m'éloignerai de ma famille, je quitterai Paris. Mais si je renonce à posséder celle qui m'est chère, je n'abdique point, monsieur, la sainte mission de veiller sur sa destinée. Songez-y bien, vous lui devez au moins la somme de bonheur que j'aurais voulu lui donner. Vous devez être pour elle ce que j'aurais été, et si vous manquez à ce devoir, c'est envers moi que vous en serez responsable. Mais encore une fois, permettez, j'ai dit ce que j'avais à vous dire, tout autre discours sera superflu. Cependant, j'ai, ce me semble, le droit d'exiger que je vous explique pourquoi je vous parle ainsi, à vous qui ne vous êtes pas encore déclaré. Rien de plus simple. Un avis préalable a rendu vos déguisements inutiles. Je sais tout. » Anatole salua froidement et s'éloigna. « Encore un, fit Duplan. Ah, ça, que diable peuvent-ils donc savoir ?» Au détour d'une allée, il rencontra Hélène. Elle marchait lentement, la tête baissée. À en juger par sa physionomie, ses pensées devaient être d'une nature assez triste. Elle tressaillit à la vue de Duplan et fit un mouvement pour prendre une autre direction. Mais elle se ravisa, répondit au salut du jeune homme, et lui permit de retourner sur ses pas, pour l'accompagner jusqu'à la maison. Évidemment, elle désirait avoir un entretien avec lui. Cependant, elle ne se pressa point de rompre le silence. Elle semblait chercher et ne pas trouver le moyen d'entrer en matière. Ils étaient arrivés au seuil de la porte du salon, qu'elle n'avait pas encore prononcé une parole. Tout à coup, elle s'arrêta. Elle fixa sur Duplan un regard plein d'une douce résignation. Et quoique le tremblement de sa voix trahît l'émotion d'une lutte intérieure, elle lui dit sans hésitation. Je suis trop franche, monsieur, pour vous laisser croire à des sentiments qui ne sont pas dans mon cœur. Mais je puis avec la même sincérité vous assurer que j'ai la ferme résolution de faire à mon devoir tous les sacrifices, et que vous n'aurez jamais à vous repentir d'avoir confié votre honneur au mien. Vous pouvez donc vous dispenser de prolonger une épreuve qui finirait par blesser de justes susceptibilités, et qui d'ailleurs n'aurait d'autre résultat que de vous confirmer mes paroles, sans vous rien apprendre de plus. Une épreuve? De quelle épreuve voulez-vous parler, mademoiselle? Il me semble, monsieur, que je vous en ai dit assez pour vous faire comprendre que je sais tout. Mais je vous jure, au contraire. Pardon, monsieur. Du moment que vous persistez, je reconnais que j'ai fait à votre générosité un appel inutile. Permettez-moi de rompre un entretien qui me deviendrait pénible. Hélène entra vivement dans le salon. Duplan stupéfait, ne songea même pas à la suivre. Elle aussi, pensait-il, voilà, il faut l'avouer, une étonnante famille. Le père sait tout, le neveu sait tout, la fille sait tout. Il n'y a que moi qui... Mais il ne sera pas dit que je serai leur jouet plus longtemps. Je vais les presser de telle sorte qu'ils seront bien forcés d'entrer en explication, et que moi aussi je finirai peut-être par savoir quelque chose. Il ouvrit résolument la porte du salon. Mais à la vue de la famille réunie, il resta un moment indécis. Puis, ne jugeant pas le moment favorable et craignant de commettre une indiscrétion, il referma la porte sans bruit et se remit à arpenter les allées du jardin. Voilà ce qui avait causé son hésitation et sa retraite. Au moment où il allait pénétrer dans le salon, il avait vu M. Dubourg serrer avec attendrissement dans ses bras sa fille Hélène, dont Zoé cherchait à essuyer les yeux tout pleins de larmes. Anatole ne paraissait pas moins ému que sa cousine et disait « Je vous remercie, mon oncle, de l'intérêt que vous me témoignez. Je n'y répondrai point par de l'ingratitude. Ma présence, je le sais, serait un obstacle à votre tranquillité, au bonheur de ma cousine. Demain, je vous en fais la promesse, demain j'aurai quitté Paris. » Duplan ne jugea point à propos de tomber au milieu de ces deux scènes de famille et prit le parti d'attendre un moment plus opportun. Mais son double mouvement d'entrée et de sortie n'avait échappé ni à l'oreille ni au regard de Zoé. Prompte à former un projet, plus prompte encore à l'exécuter, la sœur d'Hélène s'élança hors du salon. En quelques secondes, elle lui rejoint Duplan. « Monsieur, vous avez dû remarquer tout à l'heure les larmes d'Hélène. Il est vrai, mademoiselle. Vous avez vu que mon père était très ému, que mon cousin était désespéré. J'ai cru voir, en effet, quelque chose comme cela. Et vous n'avez pas été profondément touché, monsieur ?»« Si, profondément, mademoiselle. Que pour ne moins troubler cette scène émouvante, je me suis empressé de m'éloigner. C'est-à-dire que vous avez craint de céder à un mouvement de pitié ?» Oh, c'est bien cruel de votre part. Ma pitié eût probablement été aussi importune qu'inutile. Mais vous êtes donc un créancier impitoyable. Un créancier. Voyons, monsieur, n'y aura-t-il aucun moyen d'entrer en arrangement? J'ai entendu mon père dire qu'un jour d'échéance, il était quelquefois possible de substituer une valeur à une autre. Votre père avait raison. Mais permettez-moi de vous dire, mademoiselle, que je m'entends mal à deviner les énigmes. Je vais m'expliquer plus clairement. Faites-vous entre ma sœur et moi une bien grande différence ? Mademoiselle, ce n'est pas un compliment que je vous demande, mais votre opinion franchement exprimée. Cette opinion est telle que dans ma bouche, la franchise et la flatterie emploieraient absolument le même langage. Vous êtes sincère, fit Zoé en rougissant. Je suis prêt, pour vous en convaincre, à vous énumérer toutes les raisons. C'est inutile, interrompit vivement Zoé. Il me suffit que cela soit. La négociation sera plus facile et marchera plus vite. Quelle négociation ? Je dois vous prévenir aussi qu'il y a entre ma sœur et moi une autre différence que vous ne savez peut-être pas. C'est que mon cœur est libre. Ah, votre cœur ? Libre, parfaitement libre, monsieur. Tandis que celui de la pauvre Hélène, eh bien, dans ces conditions-là, je ne vois pas qu'il vous reste à faire la plus petite objection. À quoi, mademoiselle ? Zoé fit un mouvement d'impatience. À quoi ? À quoi ? Comment donc me faire mieux comprendre ? Vous êtes porteur d'une lettre de change, souscrite par mon père, un peu légèrement peut-être, et que ma sœur ne peut acquitter sans compromettre son bonheur. Je vous demande si vous me trouvez bonne. Vous me répondez oui, et je vous offre de payer à sa place. Plus je vous écoute et moins j'y suis. C'est trop fort. Mais monsieur, pourquoi tant de dissimulation? Vous devez pourtant bien vous apercevoir que je suis au courant, que je sais tout. Ah, vous aussi, vous savez tout, s'écria Duplan. Eh bien, mademoiselle, je ne vous quitterai point. Je m'attache à vos pas, je vous fatiguerai de mes questions, jusqu'à ce que vous m'ayez éclairci ce mystère. C'est bien le moins que je sache tout, moi aussi. Ce fut au tour de Zoé de regarder Duplan avec stupéfaction. « Ah, monsieur Mowbray, que faut-il donc penser de vous ?»« Mowbray, l'on croit ici que je suis Mowbray ?»« Jouant au milieu de gens désolés un rôle fort gai pour vous peut-être, mais assurément fort triste pour nous. Une lettre de votre père nous avait prévenus de ce jeu, auquel il eût été de bon goût de mettre fin plus tôt. » Une fois sur ce terrain, l'explication devait marcher, et marcha rapidement. Zoé prit Duplan par la main et le conduisit en courant jusqu'au salon. Là, il fallut recommencer l'explication. Et pour convaincre M. Dubourg, lui mettre sous les yeux un extrait mortuaire dressé par le capitaine du navire sur lequel Edmond s'était embarqué. Le digne négociant versa sur le fils de son ami quelques larmes adoucies par la pensée qu'il n'était plus obligé de signer le malheur de sa fille. Hélène et Anatole avaient le cœur rempli de joie. Mais, par bienséance, ils en laissaient déborder le moins possible sur leur physionomie. Quant à la figure de Duplan, elle se rembrunissait à mesure que s'éclaircissait celle des deux jeunes gens. « Est-ce que leur bonheur vous attriste ?» lui demanda Zoé. « Oh non, mademoiselle, mais si vous saviez ce qui s'est passé dans mon âme depuis qu'on me fait goûter ici les charmes de la plus touchante hospitalité. Non, le bonheur de mademoiselle Hélène ne m'attriste point. Je regrette seulement que vous n'ayez plus à payer pour elle. » Zoé baissa ses grands yeux noirs, mais les relevant presque aussitôt. « Pourquoi manquerais-je de franchise ?» répondit-elle. « Demeurez encore quelque temps avec nous, et si mon père y consent, quand il vous connaîtra mieux, eh bien, je ne refuserai peut-être pas de payer pour moi. »